Nous étions là aussi en avril et on a rencontré Cédric, technicien rivière sur cette passerelle. Déjà, je vois un milieu naturel qui en tout cas, ne répond pas à ce qu'on voit, en tout cas ce que souhaitent plus certaines personnes. Hein. Il y a un certain fouillis qui est synonyme de biodiversité. On voit beaucoup de sol, des grosses cépées de sol devant nous, là, tout ce qu'il y a des chatons. On a un écoulement qui est quand même relativement fort, qui correspond à une dynamique de cours d'eau sur lequel il n'est pas très entreposé. Et finalement, ça dégage une certaine sérénité, un certain calme. Déjà, le bruit de l'eau apaisant. On imagine, en tout cas, moi je l'imagine, toutes les espèces qui peuvent vivre ici. On ne les voit pas, hein, parce que la nature ne se laisse pas observer facilement. Mais toujours est-il que on peut toujours espérer voir quelque chose. Un pêcheur qui passe, peut-être. Le chevreuil qui débarque derrière. Alors on a des zones de belle taille déjà. On a des frênes. On a on a le bras mort là, qui revient depuis la droite, qu'on avait créé pour les travaux et qui aujourd'hui se referme et crée une mare forestière, en fait, quelque part, un milieu qui potentiellement pourrait évoluer vers un milieu plus structuré pour que les espèces puissent y aller. Hein. On n'est pas à l'abri d'avoir certains amphibiens qui viennent y pondre ou qui viennent y vivre. Ça sert certainement aussi de zones d'abreuvement pour certains animaux sauvages. On a quand même malheureusement des marqueurs effectivement de présence humaine. Je pense notamment à la renouée qui n'est pas venue toute seule. Il y a cette coupe-là, mais malgré tout, l'idée c'est vraiment de retrouver un milieu le plus équilibré possible, avec le plus de résilience possible, pour que la nature puisse s'exprimer et que les générations futures puissent encore voir ce qu'on voit. Et dans le meilleur des cas, pour leur constituer, en tout cas sur des solutions qui sont, en tout cas à notre sens, fondées sur la nature et qui puissent retrouver une forme de respect, je dirais, de cette nature, même si elle n'est pas sauvage comme on l'entend, mais au moins qu'on puisse encore admirer pendant longtemps ces choses-là. Il y a un héron là-haut qui passe. Maintenant, rapproche-toi du lignon et installe-toi seul, pour écouter la suite. En avril, on a aussi rencontré Anne-Christine et Fred, avec lesquels on s'est promené à différents endroits au bord du Lignon. Le Lignon, bordé de grands arbres dont les racines trempent dans l'eau et les branches vers le ciel. On a eu droit à une belle réflexion d'Anne-Christine. Philosophie zen du Japon qui dit l'homme est de deux natures, soit tu es un arbre, c'est-à-dire que tu es enraciné et que tu ne bouges pas. Mais tu ne bouges pas. Et géographiquement et dans ta tête, tu ne bouges pas. Et la deuxième nature de l'homme, c'est l'eau. L'eau, elle va partout. Mais vraiment partout, elle passe par le moindre petit trou. Et elle va très loin. On est de ces deux natures-là. Après, pour compléter cette approche philosophique, tu peux être un arbre aquatique. Un arbre aquatique. Alors Fred, tu te sens des deux. Bah ouais. Parce que malgré tout, les racines, elles vont aussi loin. Elles sont en connexion avec les autres sujets, les autres arbres. Et quand tu es au bord de l'eau, bah, tu as ce flux qui t'alimente, Bah, tu vois, philosophiquement. Mais tu te connectes aux autres arbres avec des copains, quoi, pour faire des barbecues. Parce que si un arbre est immobile, ça n'enlève pas les connexions qu'il a avec ce qu'il entoure. Il est connecté. Il est complètement connecté. Et le tissu de connexion de tout ce qu'on ne voit pas, en fait, qui est dessous, et tout ce qu'on ne sent pas, tout ce qu'il capte en haut. Il n'est pas seul. Alors que l'eau, effectivement, elle court un peu toute seule et elle va là où elle va. Elle vagabonde. Elle a un cours à suivre aussi. Mais elle a tracé sa voie. C'est l'eau qui a ouvert les rochers. Elle est forte, l'eau. Hein. C'est un sacré tempérament. Elle est à la fois terrestre et céleste. Oulala, ça va loin. Hein. Nous voilà arrivés à la fin de l'expérience. Repense à l'idée, à la phrase ou à l'image qui t'est venue en marchant dans le jardin d'Urfé. Nous aimerions que tu nous laisses une trace de ta traversée, sous forme de questions, de mots, de pensées, à nous partager pour la suite de notre enquête. Tu trouveras dans l'enveloppe qu'on t'a donnée au début une feuille. Prends le temps de nous écrire, à nous ou bien au monde des vivants qui t'entourent. Puis replace ton message dans l'enveloppe que tu nous remettras. Et ensuite, rejoins-nous au restaurant de la bâtie d'Urfé.